Dialogue de Platon, Critias sous l'Atlantide. Traduction Chauvet Cesset, édition Charpentier, 1862. Markem d'anarchive.org, 2021, d'après Books Google Fr et Ray et Gravier 1839, at Books Google Fr également. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique. Argument. Le Critias commence ex abrupto, on dirait le Timée qui se continue sans interruption. Le préambule, qui ne manque à aucun dialogue de Platon, manque à celui-ci. Est-ce parce que le Critias est à peine commencé et ébauché? Est-ce parce qu'il n'est en effet que la même conversation qui se poursuit entre les mêmes interlocuteurs, sans même un intervalle donné au repos? Les quelques pages écrites par Platon se peuvent résumer en fort peu de mots. Critias, qui succède à Timée, s'excuse à son exemple sur la difficulté du sujet. Après quoi il entreprend de raconter la guerre qui s'éleva autrefois entre les peuples qui sont en deçà et ceux qui sont au-delà des colonnes d'Hercule. Mais, pour s'intéresser à cette guerre, il faut connaître les adversaires, c'est-à-dire les Athéniens de ces temps-là et les habitants de l'Atlantide. Il décrit donc d'abord les anciens Athéniens, leur gouvernement, leur pays, leur cité. Il décrit ensuite les habitants de l'Atlantide, leur origine, qui remonte à Neptune, leur île et ses produits, leur roi et leurs gigantesques travaux, leur état politique, leur organisation et leur puissance militaire, comment ils étaient excellents au commencement, et comment ils dégénérèrent plus tard, de telle sorte que Jupiter, irrité de leurs crimes, résolu à les punir, assembla les dieux dans le sanctuaire du ciel, au centre du monde, pour leur faire part de ses irrévocables desseins. Le dialogue s'arrête à ce discours exclusivement. Ce court fragment ne suffirait pas à faire deviner l'objet du Critias, mais Platon l'a clairement indiqué dans les premières pages du Timée. On y lit en effet, les citoyens, la ville que tu nous as représentée hier comme en une fiction, nous les transporterons dans la réalité, nous placerons ta cité dans cette antique cité athénienne, et nous déclarerons que tes citoyens, tels que tu les as conçus, sont véritablement nos ancêtres, ceux dont parlait le prêtre. Entre les uns et les autres l'accord sera parfait, et nous ne nous écarterons point du vrai en disant que les citoyens de ta république sont les Athéniens des anciens temps. Ces paroles, lues surtout en leur place, sont parfaitement claires. Il est évident que Platon se proposait, en écrivant le Critias, de réaliser l'idéal de la République, et de rendre ses vues théoriques plus sensibles dans un exemple, celui des anciens Athéniens, vainqueurs des habitants de l'Atlantide. Ce que Platon a pu écrire de ce dialogue projeté est-il fort intéressant, du moins au point de vue philosophique, je ne l'ose dire, mais, bien qu'il soit difficile de se représenter la suite et les développements d'un dialogue dont le sujet et les détails sont tout imaginaires, on peut affirmer sur la foi de son génie que Platon en eût su faire une œuvre de haute valeur, et peut-être un chef-d'œuvre. Critias sous l'Atlantide, interlocuteur, Timée, Critias, Socrate, Hermocrate. Timée, qu'il m'est agréable, Socrate, comme après un long voyage, de pouvoir enfin me reposer tout à mon aise au terme de ce discours. Je supplie ce Dieu dont l'existence est fort ancienne, mais qui vient de naître en quelque manière dans notre entretien, Si ce que nous avons dit a été dit convenablement, de nous en tenir compte, et si sans le vouloir nous avons prononcé quelques paroles inconsidérées, de nous infliger la punition qui nous est due. Or, on ne saurait punir justement celui qui se trompe qu'en l'éclairant. Afin donc qu'à l'avenir nos discours sur la génération des dieux soient des discours vrais, nous prions ce Dieu de nous accorder le meilleur des talismans, le talisman par excellence, la science. Cette invocation faite, je cède, comme cela a été convenu, la parole à Chrysias. Chrysias, et je l'accepte, mon cher Timée. Mais la même indulgence que tu as demandé en commençant, à cause de la difficulté des questions, je la réclame à mon tour. J'en voudrais même obtenir une plus grande pour le sujet que je dois traiter. Je ne me dissimule pas que cette demande-là peut paraître ambitieuse et même un peu inconvenante, je la ferai néanmoins. Que tu n'aies pas bien parlé, c'est ce qu'on ne pourrait soutenir sans folie, mais que ce qui me reste à dire est droit à une plus grande indulgence, à raison d'une plus grande difficulté, voilà ce que j'essayerai de vous montrer. Lorsqu'on parle des dieux aux hommes, mon cher Timée, il est infiniment plus facile de les satisfaire qu'en leur parlant des mortels, c'est-à-dire d'eux-mêmes. En effet, l'inexpérience, ou même la complète ignorance des auditeurs font la partie belle à celui qui doit les entretenir de ce qu'ils ne connaissent pas. Or, sur les dieux, nous savons où nous en sommes. Note. Chrysias ne croyait pas plus aux dieux qu'à l'âme spirituelle. Il ne voyait dans la religion qu'une invention des législateurs pour gouverner les hommes. Fin de la note. Vous concevrez plus clairement ceci, si vous faites attention à ce que je vais dire. Nos paroles à tous sont nécessairement une imitation, une image de quelque chose. Soit un peintre qui prend à tâche de représenter les choses humaines, ou les ouvrages de la divinité en général, ou proprement dites. Nous voyons tout de suite ce qu'il éprouve de facilité et de difficulté à imiter ces divers objets de façon à contenter le spectateur. Qu'il peigne la terre, les montagnes, les fleuves, les forêts, le ciel entier, et tout ce qui l'embrasse, et tout ce qui s'y meut, nous voilà d'abord satisfaits. Pour peu qu'il ait eu l'art de reproduire ces objets avec la moindre ressemblance, et puis, dépourvu de toute connaissance précise, nous ne songeons ni à rien examiner, ni à rien critiquer. Une esquisse incertaine et trompeuse, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais qu'il se hasarde à retracer les traits de l'humanité, nos propres traits, comme l'habitude de les voir nous les a rendus familiers, nous saisissons sur le champ les fautes les plus légères, et nous devenons pour lui des juges sévères, s'il n'a pas reproduit son modèle avec la dernière fidélité. Il n'en est pas autrement dans les discours. Quand il s'agit des choses célestes et divines, il nous suffit qu'on en parle avec quelque vraisemblance. Pour les choses mortelles et humaines, nous examinons d'un esprit rigoureux ce qu'on en dit. Si donc, en parlant sans préparation, il m'arrive de laisser échapper quelque inexactitude, il faut me la pardonner, car il n'est pas facile, mais difficile d'exprimer les choses qui nous concernent d'une manière convenable, ne l'oubliez pas. Voilà. Socrate, ce que je voulais vous rappeler. Voilà comment je voulais réclamer pour mon discours, non pas un peu, mais beaucoup d'indulgence. Mes paroles n'ont pas d'autre but. S'il vous semble que j'ai quelque droit à la faveur que je demande, accordez-la-moi de bon cœur. Socrate, et pourquoi ne te l'accorderions-nous pas, Critias? Il nous faudra bien encore faire la même grâce à Hermocrate, qui parlera le troisième. Note. Il faut se rappeler le commencement du Timée, où Socrate compte trois personnages présents, Timée, Critias, Hermocrate, et un quatrième absent, qu'il ne nomme pas, et où il dit que chacun d'eux a pris l'engagement de le régaler à son tour. Quel eût été le sujet du discours d'Hermocrate? C'est ce qu'il est impossible de deviner. Fin de la note. Car, sans doute, le troisième, dans quelques instants, son tour venu, il nous adressera les mêmes prières. Afin donc qu'il cherche un autre exorde, et ne se croit pas obligé de répéter tes paroles, qu'il sache bien dès maintenant que notre indulgence lui est acquise. Je t'apprendrai du reste, mon cher Critias, les dispositions du public auquel tu vas avoir affaire. L'auteur qui vient de représenter sa pièce a eu un merveilleux succès, et ce ne sera pas trop de toute notre bienveillance pour te mettre en état de rivaliser avec lui. Hermocrate, me voilà averti en même temps que Critias, Socrate. Mais dis-moi, Critias, jamais des lâches élevèrent-ils un trophée? Il te faut donc aller en avant et discourir avec courage, il te faut, après avoir invoqué Apollon et les muses, dépeindre nos antiques concitoyens et célébrer leurs valeurs. Critias. Bien, mon cher Hermocrate. Parce que ton tour ne viendra que demain, et qu'un autre doit te précéder, te voilà plein d'audace, tu ne tarderas pas d'apprendre par toi-même si la tâche est facile. Je ne serai sourd, toutefois, ni à tes exhortations, ni à tes encouragements, et, sans oublier les divinités que tu viens de nommer, j'appellerai toutes les autres à mon aide, et singulièrement Mnémosyne. Car c'est de Mnémosyne que dépend la plus grande partie de mon discours. Si ma mémoire me sert bien, si je puis vous retracer fidèlement les antiques récits des prêtres égyptiens, apportés en ces lieux par Solon, j'estime que mon public trouvera que j'ai bien rempli mon devoir. Il faut donc nous mettre à l'œuvre, sans tarder davantage. Avant toute chose, rappelons-nous que 9000 ans se sont écoulés depuis la guerre qui, raconte-t-on, s'éleva entre les peuples qui habitent en deçà et ceux qui habitent de la décolonne d'Hercule, voir le commencement du Timée. Cette guerre, il faut que je vous l'expose depuis le commencement jusqu'à la fin. D'un côté était cette ville, ancienne Athènes, elle avait le commandement, et elle soutint victorieusement la guerre jusqu'au bout. De l'autre côté étaient les rois de l'île Atlantide, nous avons dit, au commencement du Timée, que cette île était autrefois plus grande que la Libye, c'est-à-dire l'Afrique, et l'Asie, mais que, aujourd'hui, submergée par des tremblements de terre, elle n'est plus qu'un limon qui fait obstacle aux navigateurs, et ne permet pas de traverser cette partie des mers. Les différents peuples barbares, les peuples grecs de ces temps-là apparaîtront successivement dans la suite de mon discours, à mesure que l'occasion se présentera, mais je dois vous faire connaître d'abord les Athéniens et l'ennemi qu'ils eurent à combattre, leur puissance respective et leur gouvernement. C'est des Athéniens qu'il convient de parler en premier lieu. Les dieux se partagèrent autrefois la terre entière, contrée par contrée, et cela sans querelle. Car on ne peut raisonnablement admettre ni que les dieux aient ignoré ce qui convenait à chacun d'eux, ni que, le sachant, Ils aient entrepris de se ravir les uns aux autres le lot qui leur appartenait. Ayant donc obtenu de la justice et du sort ce qui leur agréait, ils s'établirent dans chaque contrée, et après qu'ils s'y furent établis, comme les bergers font pour leurs troupeaux, ils prirent soin de nourrir et d'élever les hommes qui étaient à la fois leurs enfants et leurs propriétés. Cependant ils n'usèrent pas de violence, à l'exemple des bergers qui frappent le troupeau pour le conduire, ils savaient que l'homme est un animal docile, et, imitant le pilote qui conduit le navire, se servant de la persuasion comme d'un gouvernail pour mouvoir l'âme à leur gré, ils dirigèrent et gouvernèrent ainsi la race entière des mortels. Tel fut le gouvernement des autres divinités dans les pays qui leur échurent. Mais Vulcain et Minerve, qui ont même nature, et parce qu'ils sont enfants du même père, et parce qu'ils sont animés du même amour des sciences et des arts, reçurent en un lot comme un autre contrée, qui leur convenait et se rapportait merveilleusement à leur vertu et à leur sagesse. Des indigènes, ils firent des hommes de bien, et mirent dans leur cœur l'amour de l'ordre politique. Les noms de ces hommes ont été conservés, le souvenir de leurs actions a péri dans la ruine de leurs successeurs et dans l'éloignement des temps. La seule race qui ait échappé à ces désastres, nous l'avons dit, au commencement du Timée, c'est celle qui habitait les montagnes, et qui, sans lettres et sans culture, se souvenait seulement des noms des maîtres du pays, sans rien savoir, ou presque rien, de leur au fait. Ces noms, ils tinrent à honneur de les donner à leurs enfants, mais des vertus et des institutions de leurs ancêtres, ils ne connaissaient que ce qui leur avait été transmis par une obscure tradition. Dans la disette des choses les plus nécessaires à la vie, disette qui dura pendant plusieurs générations, tout occupés, eux et leurs enfants, de se procurer la satisfaction de leurs besoins, l'esprit uniquement tendu vers cet objet, ils ne prenaient nul souci des événements qui s'étaient autrefois accomplis. L'étude et le récit des choses antiques s'introduisent avec le loisir dans les villes, lorsqu'un certain nombre de citoyens, ayant sous la main les choses nécessaires à la vie, n'ont plus à s'en inquiéter, jamais avant. Et voilà comment les noms des anciens héros se sont conservés sans le souvenir de leurs actions. Ce qui m'autorise à parler ainsi, c'est que les noms de Cécrops, d'Éricté, d'Érictonius, d'Érisicton, et beaucoup d'autres qui remontent au-delà de Thésée, sont précisément ceux dont se servaient, au rapport de Solon, les prêtres égyptiens, lorsqu'ils lui racontèrent cette guerre. De même pour les noms des femmes. Les travaux de la guerre étaient alors communs aux femmes et aux hommes, et c'est à cause de cet usage que dans ces images et ces statues la déesse était représentée avec une armure. C'était comme un avertissement que dès là que le mâle et la femelle sont destinés à vivre ensemble, la nature a voulu qu'ils puissent également exercer les facultés qui sont l'attribut de leur espèce. Les différentes classes de citoyens adonnés au métier et à l'agriculture habitaient alors notre pays, celle des guerriers, séparés dès le commencement des autres par des hommes divins, habitaient à part. Pourvus de toutes les choses nécessaires à leur subsistance et à l'éducation de leurs enfants, ces guerriers ne possédaient rien en propre. Ils regardaient tous les biens comme appartenant à tous, n'exigeaient des autres citoyens que juste ce qu'il leur fallait pour vivre, et s'acquittaient avec soin de toutes les fonctions que nous avons décrites hier, et qui sont celles des gardiens de l'État, telles que nous les avons conçues. Et ce qui est encore fort probable et même vrai, On raconte que notre pays avait dans ce temps-là pour limite l'isthme d'un côté, et de l'autre les monts Citeron et Parme, embrassant toute la partie du continent comprise dans cet intervalle, qu'il descendait de là, à droite, jusqu'à Oropi, et à gauche, vers la mer, jusqu'au fleuve Azop, ses extrêmes frontières, qu'il surpassait toutes les autres contrées par sa fertilité, ce qui le rendait capable d'entretenir une nombreuse armée, fournie par les peuples voisins. C'est là un imposant témoignage de sa fécondité. Et, en effet, ce qui reste aujourd'hui de cette heureuse terre est encore sans égal pour la diversité des productions, l'excellence des fruits et l'abondance des pâturages. Telle était alors la beauté et la richesse de l'Attique. Le croirait-on? Et comment se faire une idée de ce qu'elle était par ce qu'elle est? Elle s'étend tout entière en avant du continent, s'allonge dans la mer, et ressemble à un promontoire. La mer qui l'enveloppe comme un vase où elle serait plongée, est partout très profonde. Au milieu donc des nombreuses et terribles inondations qui eurent lieu pendant 9000 ans, car 9000 ans se sont écoulés depuis cette époque, la terre que ces révolutions faisaient glisser des hauteurs ne s'entassait pas sur le sol comme dans les autres pays, mais roulant sur le rivage allait se perdre dans les profondeurs de la mer, de sorte que, comme il arrive dans les îles peu étendues, notre pays, comparé à ce qu'il était, ressemble à un corps amaigri par la maladie. Tout ce qu'il y avait de terre grasse et féconde s'étant écoulé de toutes parts, il ne nous est plus resté qu'un corps décharné. Mais auparavant l'Attique, dont le sol n'avait encore souffert aucune altération, avait pour montagne de hautes collines, les plaines que nous appelons actuellement champs de fêlés étaient remplies d'une terre abondante et fertile. Les monts étaient ombragés de sombres forêts, dont il reste encore de visibles traces. Les montagnes où les seules abeilles trouvent aujourd'hui leur nourriture, dans un temps peu éloigné, étaient couverts d'arbres puissants, que l'on coupait pour les plus vastes constructions, dont plusieurs sont encore debout. On y trouvait également des arbres à fruits très élevés, et de vastes pâturages pour les troupeaux. Les pluies qu'on obtenait de Jupiter chaque année ne se perdaient pas sans utilité en coulant de la terre restée stérile dans la mer. La terre, au contraire, après les avoir reçues abondamment, les conservait dans son sein. Elle les tenait en réserve dans des couches d'argile, elle les laissait se répandre des hauteurs dans les vallées, et l'on voyait en tout lieu 1000 sources, 1000 fleuves, 1000 cours d'eau. Les enceintes sacrées que l'on trouve encore auprès des anciennes rivières attestent la vérité de mes paroles. Voilà quelles étaient naturellement nos campagnes, ceux qui les cultivaient, c'étaient sans doute de vrais laboureurs, adonnés à leur métier, amis du bien et d'un naturel excellent, possesseur d'une terre fertile, arrosée par des eaux abondantes, favorisée du climat le plus tempéré. Quant à la ville, voici comment elle était ordonnée dans ce temps-là. D'abord, l'acropole était loin de présenter le même aspect qu'aujourd'hui. En une seule nuit, des pluies torrentielles entraînèrent les terres dont elle était revêtue, et la laissèrent nue et dépouillée, au milieu de tremblements de terre, dans une inondation qui est la troisième avant le déluge de Deucalion. Mais auparavant, à une autre époque, telle était la grandeur de l'acropole qu'elle s'étendait jusqu'à l'Éridan et l'Ilis, comprenait le Pnyx, et avait le Lycabette pour limite, du côté qui fait face au Pnyx. Montagne de l'Attique, qui doit son nom au grand nombre de loups dont elle était peuplée. Elle était recouverte d'une épaisse couche de terre, et, sauf un petit nombre d'endroits, elle présentait sur les hauteurs une plaine unie. Elle était habitée, en descendant, sur les flancs, par les artisans et les cultivateurs qui cultivaient les champs voisins. Sur le sommet, la classe des guerriers demeurait seule, autour du temple de Minerve et de Vulcain, après avoir entouré ce plateau d'une seule enceinte, comme on fait le jardin d'une seule famille. Ils habitaient au nord des maisons communes, ils avaient l'hiver des salles où ils prenaient leur repas ensemble, tout ce que réclame la vie en commun, soit pour les habitations des citoyens, soit pour les temples des dieux, ils l'avaient, à l'exception de l'or et de l'argent. Ils n'en faisaient nul usage. Se tenant à égale distance de l'opulence et de la pauvreté, ils habitaient des maisons décentes, où ils vieillissaient eux et les enfants de leurs enfants, et qu'ils transmettaient toujours les mêmes à des fils toujours semblables à leur père. La partie méridionale de l'acropole leur tenait lieu des jardins, des gymnases, des salles de repas en commun, qu'ils quittaient pendant l'été. Une source se trouvait à la place qu'occupe maintenant l'acropole, c'est-à-dire la citadelle, bouleversée par des tremblements de terre. Elle n'envoie plus que de faibles ruisseaux çà et là, mais alors elle fournissait une eau abondante, également saine l'hiver et l'été. Tel était le genre de vie de ces gardiens de leurs propres concitoyens, de ces chefs avoués des autres Grecs. Ils avaient soin d'être toujours, autant que possible, un nombre égal d'hommes et de femmes en état de porter déjà ou de porter encore les armes, c'est-à-dire 20 000. Voilà donc quels étaient 16 hommes, voilà comment ils gouvernaient selon les règles de la justice leur cité et la Grèce, célébrée et admirée de toute l'Europe et de toute l'Asie pour la beauté de leur corps, et pour les vertus de toutes sortes qui ornaient leurs âmes. Mais leurs ennemis, quels étaient-ils, en remontant jusqu'à leur origine? C'est, mes amis, ce que je vais vous exposer et vous faire connaître, si toutefois je n'ai pas perdu le souvenir de choses que j'ai entendues raconter étant enfant. Je dois vous en prévenir d'abord, avant d'entrer en matière, ne soyez pas surpris de m'entendre souvent appeler des barbares de nom grec. Voici pourquoi j'agis ainsi. Lorsque Solon songeait à transporter ce récit dans ses poèmes, il voulut connaître la signification des noms, et trouva que les Égyptiens, les premiers auteurs de cette histoire, les avaient traduits dans leur propre langage, lui-même à son tour, cherchant le sens de chaque nom, l'écrivit dans notre langue. Ces manuscrits de Solon étaient chez mon aïeul, et sont encore chez moi à l'heure qu'il est, je les ai fort étudiés étant enfant. Si donc vous m'entendez prononcer des noms grecs, que cela ne vous cause aucun étonnement. Vous saurez pourquoi je procède de la sorte. Ce long récit commençait à peu près ainsi. Nous avons déjà dit précédemment que les dieux tirèrent les différentes parties de la terre au sort, qu'ils obtinrent les uns une contrée plus grande, les autres une plus petite, qu'ils y établirent des temples et des sacrifices. C'est ainsi que Neptune, ayant reçu en partage l'île Atlantide, plaça des enfants qu'il avait eus d'une mortelle dans une partie de cette île. C'était, non loin de la mer, une plaine située au milieu de l'île, la plus belle, assure-t-on, est la plus fertile des plaines. À 50 stades environ de cette plaine, toujours au milieu de l'île, était une montagne très peu élevée. Là habitait un de ces hommes qui, à l'origine des choses, naquirent de la terre, Evenor, avec sa femme Leucippe. Ils engendrèrent une fille unique, Clito. Elle était nubile, lorsque son père et sa mère moururent, et Neptune s'en étant épris, l'épousa. La colline, montagne peu élevée dont il vient d'être parlé, où elle demeurait, Neptune la fortifia en l'isolant tout autour, il fit des enceintes de mer et de terre alternativement, les unes plus petites, les autres plus grandes, deux de terre et trois de mer, et les arrondit au centre de l'île, de manière que toutes leurs parties s'en trouvassent à une égale distance. Il la rendit par là inaccessible, car ni les navires, ni l'art de les conduire n'étaient alors connus. Dieu comme il était, il lui fut facile d'orner et d'embellir l'île nouvelle qu'il avait formée au milieu de l'autre, en faisant jaillir du sol deux sources, l'une chaude, l'autre froide, et en faisant produire à la terre des aliments variés, une abondante nourriture. Il eut successivement de Clito cinq couples d'enfants mâles, et les éleva. Il divisa l'île Atlantide tout entière en dix parties, donna à l'aîné du premier couple la demeure de sa mère, avec toute la campagne environnante, la plus vaste et la plus riche du pays, et l'établit roi sur tous ses frères. De ceux-ci il fit également des chefs, et donna à chacun d'eux à gouverner un grand nombre d'hommes et une grande étendue de territoire. Ils reçurent aussi des noms. L'aîné, le roi, dont l'île est cette mer, appelée Atlantique, ont pris leur surnom, parce qu'il fut le premier qui régna, fut appelé Atlas. Son frère jumeau eut en partage l'extrémité de l'île vers les colonnes d'Hercule, la partie du pays qu'on nomme Gadirique, il s'appela en grec Meule, et dans la langue indigène Gadir, et c'est de là que cette contrée a pris son nom. Les enfants du second couple furent nommés Amphérès et Euémon, ceux du troisième, Mnésée, l'aîné, et l'autre autochtone, ceux du quatrième, et l'Asiple le premier, et le second Mestor, et enfin ceux du cinquième, Azaès et Diaprée. Ces fils de Neptune et leurs descendants habitèrent ce pays pendant de longues générations, ils soumirent dans ses mers un grand nombre d'autres îles, et étendirent leur domination par-delà, comme nous l'avons déjà dit, jusqu'à l'Égypte et la Tyrrhénie. La postérité d'Atlas demeura toujours en honneur, le plus âgé était roi, et transmettait son autorité au plus âgé de ses fils, de sorte qu'ils conservèrent la royauté dans leur famille pendant de longues années. Telle était l'immensité des richesses dont ils étaient possesseurs qu'aucune maison royale n'en a jamais possédé et n'en possédera jamais davantage. Tout ce que la ville et les autres pays pouvaient fournir, ils l'avaient à leur disposition. Bien des choses étaient importées du dehors, grâce à leur puissance, mais l'île produisait la plupart de celles qui sont nécessaires à la vie, et d'abord les métaux, soit solides, soit fusibles, et celui-là même dont nous n'avons plus que le nom, mais qui était une réalité, et qu'on extrayait de mille endroits de l'île, l'oricalque, alors le plus précieux des métaux après l'or. Tous les matériaux dont les arts ont besoin, l'île les fournissait en abondance, et elle nourrissait un grand nombre d'animaux sauvages et apprivoisés. Les éléphants y étaient en grande quantité, les animaux y trouvaient tous largement leur pâture, et ceux qui vivent dans les marais, les lacs, les fleuves, et ceux qui habitent les montagnes ou les plaines, et l'éléphant comme les autres, malgré sa grandeur et sa voracité. Outre cela, tous les parfums que la terre porte aujourd'hui, en quelque lieu que ce soit, racines, herbes, plantes, sucs distillés par les fleurs ou les fruits, elle les produisait et les entretenait. De plus, les fruits mous et les fruits durs dont nous nous servons pour notre nourriture, tous ceux dont nous faisons des mets, et que nous appelons généralement des légumes, ces fruits ligneux qui nous fournissent à la fois des breuvages, des aliments, des parfums, ces fruits à écorce, dont les enfants se font un jeu, et qu'il est si difficile de conserver, ceux que nous offrons au dessert pour réjouir l'estomac rassasié et fatigué, l'île Atlantide, qui avait autrefois sa place au soleil, produisait toutes ces merveilles, tous ces trésors en nombre innombrable. Mettant donc en usage toutes ces richesses de leur sol, les habitants construisirent des temples, des palais, des ports, des bassins pour les vaisseaux, et embellirent l'île entière dans l'ordre suivant. Ils commencèrent par jeter des ponts sur les fossés circulaires que la mer emplissait, et qui entouraient l'ancienne métropole, mettant ainsi en communication la demeure royale et le reste de l'île. Ce palais, ils l'avaient élevé dès l'origine aux lieux mêmes habités par le dieu et leurs ancêtres. Les rois, en se le transmettant, ne cessaient d'ajouter de nouveaux embellissements aux anciens, chacun d'eux faisait tous ses efforts pour laisser loin derrière lui ses prédécesseurs, de sorte qu'on ne pouvait, sans être frappé d'admiration, contempler tant de grandeur et tant de beauté. Ils creusèrent, à partir de la mer, un canal de 3 arpentes de largeur, 200 pieds de profondeur, d'une étendue de 50 stades, et qui aboutissait à l'enceinte extérieure de la métropole. Ils firent en sorte que les vaisseaux qui viendraient de la mer puissent y entrer comme dans un port, en ménageant une embouchure où les plus grands pouvaient se mouvoir sans peine. Dans les enceintes de terre qui séparaient les enceintes de mer, en face des ponts, ils ouvrirent des tranchées assez larges pour livrer passage à une trirème, et unirent leurs bords par des toits, de sorte que les navires les traversaient à couvert, car les enceintes de terre s'élevaient fort au-dessus du niveau de la mer. La plus grande enceinte, celle qui communiquait directement avec la mer, était large de 3 stades, et l'enceinte de terre contiguë avait les mêmes dimensions. Des 2 enceintes suivantes, celle de mer était large de 2 stades, et celle de terre avait les mêmes dimensions que la précédente. Enfin, l'enceinte qui entourait immédiatement l'île intérieure était large d'un stade seulement. Quant à l'île intérieure elle-même où s'élevait le palais des rois, son diamètre était de 5 stades. Le pourtour de cette île, les enceintes, le port de 3 arpentes de largeur, ils revêtirent tout cela d'un mur de pierre, ils construisirent des tours et des portes à la tête des ponts et à l'entrée des voûtes sous lesquelles passait la mer. Pour mener à fin tous ces divers ouvrages, ils taillèrent tout autour de l'île intérieure, et de chaque côté des enceintes, des pierres, les unes blanches, les autres noires, d'autres rouges. En taillant ainsi ça et là, ils creusèrent à l'intérieur de l'île de bassins profonds, avec le rocher même pour toiture. Parmi ces constructions, les unes étaient toutes simples, les autres, formées de plusieurs espèces de pierres, pour le plaisir des yeux, présentaient tout l'agrément dont elles étaient naturellement capables. Ils recouvrirent d'airain, en guise d'enduit, le mur de l'enceinte extérieure dans tout son parcours, d'étain la seconde enceinte, elle-même d'oricalque au reflet de feu. Enfin, Voici comment ils construisirent le palais des rois dans l'intérieur de l'acropole. L'acropole, ce que Platon appelait ci-dessus la métropole, c'est-à-dire toujours l'île intérieure. Au milieu s'élevait le temple consacré à Clito et à Neptune, lieu redoutable, entouré d'une muraille d'or, où ils avaient autrefois engendré et mis au jour les 10 chefs des dynasties royales. C'est là qu'on venait chaque année des 10 provinces de l'Empire offrir à ces deux divinités les prémices des fruits de la terre. Le temple, réduit à lui-même, avait un stade de longueur, 3 arpents de largeur et une hauteur proportionnée. Il y avait dans son aspect quelque chose de barbare. Tout l'extérieur en était revêtu d'argent, sauf les extrémités. Les extrémités étaient d'or. Au-dedans, la voûte, tout entière en ivoire, était ornée d'or, d'argent et d'oricalque. Les murs, les colonnes, les pavés étaient recouverts d'ivoire. On voyait des statues d'or, et singulièrement le dieu, Neptune, debout sur son char, conduisant 6 coursiers ailés, si grand que sa tête touchait la voûte du temple, et tout autour de lui s'en Néréides assis sur des dauphins. On pensait alors qu'elles étaient au nombre de 100. Un grand nombre d'autres statues, offertes par des particuliers, s'ajoutaient à celles-là. Tout autour du temple, à l'extérieur, se dressaient les statues d'or de toutes les reines et de tous les rois descendants des 10 enfants de Neptune, ainsi que 1000 autres offrandes des rois et des particuliers, soit de la ville, soit des pays étrangers réduits à l'obéissance. Par la grandeur et par le travail, l'autel était à l'unisson de ces merveilles, et le palais des rois tout entier était tel qu'il convenait à l'étendue de l'empire, tel qu'il convenait aux ornements du temple. 2 sources, l'une froide, l'autre chaude, abondante et intarissable, par l'agrément et la vertu de leurs eaux, donnaient admirablement satisfaction à tous les besoins. On trouvait, aux environs des maisons, des arbres qui aiment l'humidité, des bassins, les uns à ciel ouvert, les autres couverts d'une toiture pour les bains chauds dans l'hiver, ici, ceux des rois, là, ceux des particuliers, ailleurs, ceux des femmes, et d'autres encore pour les chevaux et en général les bêtes de somme, tous ornés et décorés selon leur destination. L'eau qui sortait de là s'en allait arroser le bois de Neptune, où des arbres d'une grandeur et d'une beauté en quelque manière divine s'élevaient sur un terrain gras et fertile. Elle se rendait ensuite dans les enceintes extérieures par des aqueducs creusés dans la direction des ponts. De nombreux temples consacrés à de nombreuses divinités, de nombreux jardins, des légymnases pour les hommes, des hippodromes pour les chevaux avaient été construits sur chacune des enceintes, de terre, séparées par des enceintes de mer, qui formaient comme des îles. Il y avait surtout au milieu de la plus grande de ces îles un hippodrome, large d'un stade, et qui, dans sa longueur faisant tout le tour de l'île, livrait aux chevaux et à la lutte une vaste carrière. À droite et à gauche étaient des casernes destinées à la majeure partie de l'armée, les troupes qui inspiraient plus de confiance logeaient dans la plus petite des enceintes, qui était aussi la plus voisine de l'acropole, et enfin, celle dont le dévouement était assuré demeurait dans l'acropole même, auprès des rois. Les bassins pour les navires étaient pleins de trirèmes et de tous les appareils que réclament les trirèmes, et rien ne manquait dans un ordre parfait. Voilà comment tout était disposé autour du palais des rois. Au-delà et en dehors des 3 ports, Formé par les enceintes de mer, un mur circulaire commençait à la mer, suivait la plus vaste enceinte et le plus vaste port à une distance de 50 stades, et revenait au même point formé l'embouchure du canal situé vers la mer. Des multitudes d'habitations se pressaient les unes contre les autres dans cet intervalle, le canal, le port principal regorgeait d'embarcations et de marchands venus de toutes les parties du monde, et de cette foule s'échappait jour et nuit un bruit de voix et un tumulte continuel. Je crois avoir à présent fidèlement rappelé ce que la tradition rapporte de cette ville et de l'antique demeure des rois. Il me faut maintenant essayer d'exposer ce que la nature avait fait pour le reste du pays et ce que la rue avait ajouté d'embellissement. D'abord on dit que le sol était fort élevé au-dessus du niveau de la mer, et les bords de l'île coupés à pic, que tout autour de la ville s'étendait une plaine qui l'environnait et qui était elle-même environnée de montagnes qui se prolongeaient jusqu'à la mer, que cette plaine était lisse et uniforme, qu'elle était oblongue, ayant d'un côté 3000 stades, et de la mer au centre plus de 2000. Cette partie de l'île regardait le midi, et n'avait rien à craindre des vents du nord. On vantait les montagnes qui lui formaient une ceinture, sans égales aujourd'hui pour le nombre, la grandeur et la beauté. Elles enfermaient de riches et populeux villages, des fleuves, des lacs, des prairies où des animaux sauvages et domestiques trouvaient une abondante nourriture, de nombreuses et vastes forêts où les arts trouvaient des matériaux de toute espèce pour des ouvrages de toutes sortes. Telle était cette plaine, grâce aux bienfaits de la nature et aux travaux d'un grand nombre de rois pendant un long laps de temps, elle avait la forme d'un quadrangle droit et allongé, et si elle s'en écartait en quelque endroit, on avait corrigé cette irrégularité en traçant le fossé qui l'entourait. Quant à la profondeur, à la largeur et à la longueur de ce fossé, il est difficile de croire ce qu'on en raconte. Quand il s'agit d'un travail fait de main d'homme, et qu'on le compare aux autres ouvrages du même genre, il faut cependant vous répéter ce que j'ai ouï dire. Il était creusé à la profondeur d'un arpent, il était large d'un stade, tracé tout autour de la plaine, il n'avait pas moins de 10 000 stades de long, il recevait tous les cours d'eau qui se précipitaient des montagnes, enveloppait la plaine, aboutissait par ses deux extrémités à la ville, et s'en allait se décharger dans la mer. Du bord supérieur de ce fossé partaient des tranchées de 100 pieds de large, qui coupaient la plaine en ligne droite, et retournaient à ce même fossé dans le voisinage de la mer, elles étaient distantes les unes des autres de 100 stades. Pour transporter par les bois des montagnes les divers produits de chaque saison à la ville, ils avaient fait communiquer les tranchées entre elles et avec la ville par des canaux creusés transversalement. Notez que la terre donnait 2 moissons par an, parce qu'elle était arrosée l'hiver par les pluies de Jupiter, et fécondée l'été par l'eau des tranchées. Le nombre de soldats que devaient fournir les habitants de la plaine en état de porter les armes avait été fixé comme il suit. Chaque division territoriale devait élire un chef, or, chaque division avait une étendue de 100 stades, et il y avait 60 000 de ces divisions. Quant aux habitants des montagnes et des autres parties du pays, la tradition rapporte qu'ils étaient en nombre infini, ils furent distribués, suivant les localités ou les villages, en des divisions semblables, ayant chacune un chef. Le chef devait fournir en temps de guerre la 6e partie d'un char de guerre, de manière qu'il y en eût 10 000, Deux chevaux avec leurs cavaliers, un attelage de deux chevaux sans char, un combattant armé d'un petit bouclier, un cavalier pour conduire deux chevaux, des fantassins pesamment armés, des archers, des frondeurs, deux de chaque espèce, des soldats armés à la légère, ou de pierre, ou de javelot, trois de chaque espèce, des marins au nombre de quatre pour manœuvrer une flotte de 1200 navires. Telle était l'organisation des forces militaires dans la ville royale. Pour les 9 autres provinces, chacune avait la sienne, et il serait trop long d'en parler. En ce qui concerne le gouvernement et l'autorité, voici quel fut l'ordre établi dès le principe. Chacun des 10 rois, dans la province qui lui était départie, et dans la ville où il résidait, avait tout pouvoir sur les hommes et sur la plupart des lois, infligeant les peines et la mort au gré de sa volonté. Quant au gouvernement général et au rapport des rois entre eux, les ordres de Neptune étaient leurs règles. Ces ordres leur avaient été transmis dans la loi souveraine, les premiers d'entre eux l'avaient gravé sur une colonne d'oricalque, élevée au milieu de l'île dans le temple de Neptune. Les 10 rois se réunissaient successivement la 5e année et la 6e, en alternant les nombres pairs et impairs. Dans ces assemblées, ils discutaient les intérêts publics, ils recherchaient si quelque infraction à la loi avait été commise, ils portaient des jugements. Avaient-ils à porter un jugement? Voici comment ils se donnaient leur foi mutuellement. Après qu'on avait lâché des taureaux dans le temple de Neptune, les 10 rois laissaient seuls prier le dieu de choisir la victime qui lui serait agréable, et se mettaient à les pourchasser, sans autre arme que des pieux et des cordes. Lorsqu'ils avaient pris un taureau, ils le conduisaient vers la colonne et l'égorgeaient à son sommet, conformément aux prescriptions. Outre les lois, on avait inscrit sur cette colonne un serment redoutable et des imprécations contre quiconque les violerait. Le sacrifice accompli, et les membres du taureau consacrés suivant ces lois, les rois versaient goutte à goutte du sang de la victime dans une coupe, jetaient le reste dans le feu, et purifiaient la colonne, puisant ensuite dans la coupe avec des flacons d'or. Répandant une partie de leur contenu dans la flamme, ils juraient de juger selon les lois écrites sur la colonne, de punir quiconque les aurait enfreintes, de les observer désormais de tout leur pouvoir, de ne gouverner eux-mêmes et de n'obéir à celui qui gouvernerait qu'en conformité aux lois de leur père. Après avoir prononcé ces prières et ces promesses pour eux-mêmes et leurs descendants, après avoir bu ce qui restait dans les flacons et les avoir déposés dans le temple du dieu, ils se préparaient au repas et autres cérémonies nécessaires. Les ombres venues et le feu du sacrifice consumé, après avoir revêtu des robes azurées parfaitement belles, s'être assis à terre auprès des derniers vestiges du sacrifice, la nuit, lorsque le feu était partout éteint dans le temple, ils rendaient leurs jugements et les subissaient, si quelqu'un d'entre eux était accusé d'avoir violé les lois. Après avoir rendu leurs jugements, ils les inscrivaient, au retour de la lumière, sur une table d'or et la suspendait avec les robes au mur du temple, comme des souvenirs et des avertissements. Il y avait en outre un grand nombre de lois particulières, relatives aux attributions de chacun des 10 rois. Les principales étaient de ne point porter les armes les uns contre les autres, de se prêter main forte dans le cas où l'un d'entre eux y aurait entrepris de chasser l'une des races royales de ces états, de délibérer en commun, à l'exemple de leurs ancêtres, sur la guerre et les autres démarches importantes, en laissant le commandement suprême à la race d'Atlas. Le roi ne pouvait condamner à mort l'un de ses parents, sans le consentement de plus de la moitié des 10 rois. Note. Le roi, c'est-à-dire celui qui avait le commandement suprême, le roi des rois. Ses parents, c'est-à-dire les 9 autres rois. Fin de la note. Telle était la puissance, la formidable puissance qui s'était autrefois établie dans cette contrée, et que la divinité, selon la tradition, tourna contre notre pays pour le motif que voici. Pendant plusieurs générations, tant qu'il y eut en eux quelque chose de la nature du dieu dont ils étaient issus, les habitants de l'Atlantide obéirent aux lois qu'ils avaient reçues et honorèrent le principe divin qui faisait leur parenté. Leur pensée était conforme à la vérité et de tout point généreuse, ils se montraient pleins de modération et de sagesse dans toutes les éventualités, comme aussi dans leurs mutuels rapports. C'est pourquoi, regardant avec mépris tout ce qui n'est pas la vertu, ils faisaient peu de cas des biens présents et portaient tout naturellement comme un fardeau et l'or et les richesses et les avantages de la fortune. Loin de se laisser enivrer par les délices, d'abdiquer le gouvernement d'eux-mêmes entre les mains de la fortune, et de devenir les jouets des passions et de l'erreur, ils savaient comprendre que tous les autres biens s'accroissent par leur accord avec la vertu, et que, au contraire, quand on les poursuit avec trop de zèle et d'ardeur, ils périssent, et la vertu avec eux. Aussi longtemps que les habitants de l'Atlantide raisonnèrent ainsi, et conservèrent la nature divine dont ils avaient participé, tout leur réussit à souhait, comme nous l'avons déjà dit. Mais quand l'essence divine se fut de plus en plus amoindrie par un continuel mélange avec la nature mortelle, quand l'humanité l'emporta de beaucoup, alors, impuissant à supporter la prospérité présente, ils dégénérèrent. Ceux qui savent voir comprirent qu'ils étaient devenus méchants, et qu'ils avaient perdu les plus précieux d'entre les biens, et ceux qui sont hors d'état de voir ce qui rend véritablement la vie heureuse, jugèrent qu'ils étaient parvenus au fait de la vertu et de la félicité dans le temps qu'ils étaient possédés de la folle passion d'accroître leur richesse et leur puissance. Alors donc, le dieu des dieux, Jupiter qui gouverne selon les lois de la justice, dont les regards discernent partout le bien et le mal, apercevant la dépravation d'un peuple naguère si généreux, et voulant le châtier pour le ramener à la vertu et à la sagesse, assembla tous les dieux dans la partie la plus brillante des demeures célestes, au centre de l'univers, d'où l'on contemple tout ce qui participe de la génération, et, les ayant rassemblés, il leur dit. Fin du fragment, le reste manque.